Chapitre 5. Catherine II, impératrice de Russie. 1. Je ne crois pas, dit Alphonse Rab dans son Histoire de Russie, que l'histoire d'aucun peuple présente dans ces temps modernes un spectacle plus complet et plus odieux d'immoralité publique et de dépravation privée que celle du peuple russe sous le règne de la trop fameuse Catherine II. Que l'on juge de l'influence que devait exercer sur les idées et les mœurs nationales le spectacle de cette cour dissolue où Catherine, réalisant les fables que l'on raconte de la reine d'Acheux et subordonnant l'amour, le sentiment, la pudeur de son sexe à des besoins physiques impérieux, consacrait toute sa puissance à donner au monde un exemple unique en scandale. De cette cour devenue la fougueuse amatonte d'une autre Vénus impudique où le poste de favori était la première place de l'Empire et où tout parti, généraux, grands seigneurs ou peuple, les princes même, futurs héritiers du trône, étaient forcés de se prosterner devant l'idole méprisable qui devait à la lubricité d'une femme son élévation et son pouvoir. Le peu qu'il y a de bon et de généreux même dans l'orgueil de la naissance devait s'évanouir dans les âmes. Lorsqu'on voyait par exemple un Tsoritz, jeune servier échappé du bagne de Constantinople et devenu amant en titre, dominer les volontés de la souveraine de cet immense et malheureux empire. Si du moins de tels désordres, admettant des retards de raison et de pudeur, n'avaient affligé que d'intervalle en intervalle l'honnêteté publique. Mais cette grande infamie fut longue et permanente. Personne ne peut dire que la charge de favori ait jamais vaqué 24 heures de suite pendant 35 ans. Une courte absence, une maladie passagère de celui qui l'occupait suffisait pour le faire remplacer. C'était d'ailleurs l'emploi pour lequel l'auguste impératrice montrait le plus de choix et de discernement, et il est sans exemple qu'elle y ait élevé un sujet incapable. Elle avait d'ailleurs pris ses précautions contre un tel malheur en créant les fonctions d'éprouveuse. Nous empruntons le fait et l'expression à l'historien Casteva, tout en avouant que nous n'oserions reproduire les détails qu'il nous donne sur les préliminaires de l'installation d'un favori. Quels amours et quel nombre d'amants! Les écrivains allemands, avec la patience qu'on leur connaît, ont publié un recueil biographique sur ces fonctionnaires illustres ou obscurs, et ils en ont fait un catalogue immense. Pour obtenir un regard de l'impératrice et quelque chose de mieux, il ne fallait que deux choses, des apparences et l'à-propos. Nous ne nous arrêterons dans notre récit de la carrière galante de Catherine qu'aux favoris que leur naissance, leur talent ou une plus durable affection plaça sur la scène politique, tels que Soltika, Poniatowski et Alexis Orlov-Potemkin. 2. La Grande Duchesse. Si nous avons donné la préférence à Catherine II sur les impératrices qui l'ont précédée sur le trône de Russie, ce n'est point parce que les règnes de Catherine Ière et d'Élisabeth n'auraient pu fournir ample matière à notre chronique. Mais les amours tragiques de la première tsarine n'étaient pas dans certains détails sans ressemblance avec l'histoire que nous venons de conter. Lorsque son intrigue avec Moïse de la Croix, le jeune et beau chambellan, fut découverte, Pierre Ier ne voulut pas rendre public son déshonneur. Il ne fit pas juger le coupable pour cause d'adultère, mais pour s'être laissé gagner par des présents. Il le fit décapiter et il conduisit l'impératrice en traîneau au lieu même du supplice pour lui faire voir planter sur un pal la tête de son amant. Catherine fut vengée, ou peut-être elle se vengea. On l'accusait d'avoir empoisonné son époux, mais ce crime, s'il fut commis, reste un mystère. On s'accorde à croire qu'il est mort de la même maladie que François Ier. Anne, qui succéda à Catherine Ière, était bigote, voluptueuse et bizarre. Ses favoris les plus célèbres furent le maréchal de Saxe, Ostermann et Bireux. Ce dernier fut un fléau, c'était un monstre. On ne peut compter le nombre des malheureux qui périrent dans les supplices ou en Sibérie sous son atroce administration. Anne était son esclave et recevait ses ordres. Où les femmes règnent, les hommes gouvernent. Et plus d'une fois, on la vit se jeter à ses pieds pour tenter vainement d'apaiser sa férocité. Elle était bizarre, avons-nous dit, et nous citerons cet exemple singulier dont un prince de Galitzin fut victime. Il s'était fait catholique dans le cours de ses voyages. Pour l'en punir, Anne le força d'épouser une lavandière et de consommer son mariage sur un lit de glace, dans un palais de glace. Le règne d'Élisabeth est plus riche encore en aventures scandaleuses. Nous aurions à raconter les amours et le complot du chirurgien français Lestocq, qui, de concert avec le marquis de la Chétardie, renversa le gouvernement de la régente, la duchesse de Brunswick, et hâta l'événement d'Élisabeth. Par son penchant impérieux pour le plaisir et par sa rare beauté, elle rappelait Catherine sa mère, mais elle ne gardait aucune contrainte. Plus d'une fois, dit l'évêque, historien contemporain d'Élisabeth, elle alla chercher ses amants jusque dans les dernières classes de la nation. J'ai même entendu dire qu'elle eut la fantaisie de faire entrer dans son lit un kalmouk, plutôt subjugué que rebuté par la laideur particulière à ce peuple. Vers la fin de sa vie, la méfiance et les soupçons empoisonnèrent ses voluptés. Elle craignit souvent de voir un assassin dans le favori qui partageait sa couche. Ce fut à la cour d'Élisabeth que la grande-duchesse Alexeïevna, qui devait régner sous le nom de Catherine II, se forma. Alexeïevna, princesse d'Anhalt-Zerbst, était née en 1729. Lorsqu'elle épousa le grand-duc héritier de Russie, Pierre III, en 1745, à l'âge de 16 ans, elle était déjà une femme d'une incomparable beauté. Pierre III, Thédorovitch, déclaré grand-duc et héritier du trône, n'était âgé que d'un an plus que sa femme. Il était né en 1728, mais il lui était inférieur sous tous les rapports. La grande-duchesse n'était pas moins intelligente que belle, et son mari, d'un caractère faible et bourré d'idées fausses, ignorant et crédule, laissait le champ libre à l'ambition de Catherine. Ce malheureux poussait jusqu'à la manie son admiration de Frédéric II. Il s'habillait à la prussienne et cherchait à imposer autour de lui les mœurs et les préventions allemandes. Buveur et joueur, affectant des habitudes grossières pour se donner un air guerrier, il n'avait dès le premier jour de son mariage inspiré à sa femme qu'un dégoût et un mépris profond. La grande-duchesse avait bientôt cherché des dédommagements dans des liaisons illégitimes. Son premier amant fut Soltikov, chambellan du grand-duc, placé par lui auprès d'elle afin de lui tenir compagnie et de la distraire. On en jasa, mais Catherine n'eut pas à se défendre et Pierre, irrité des accusations de la malveillance, se constitua l'avocat de Soltikov et le maintint dans son double poste à la risée de toute la cour. Ce fut l'opinion commune, dit Costera dans son histoire de Catherine II, que Paul Petrovitz, qui naquit à cette époque en 1754, était le fruit de ses amours. Il est très certain que Pierre III n'avait pu, pendant les premières années, de 1745 à 1752, consommer son mariage. Un obstacle, dont le moindre sectateur de Moïse aurait pu le délivrer, s'opposait complètement à la fécondité et à la plénitude de ses approches. Ce ne fut que lorsque Soltikov et la grande-duchesse eurent à redouter un résultat trop évident de leur liaison, c'est-à-dire lorsque la grossesse de Catherine fut reconnue, que par les insinuations du même Soltikov, Pierre III se décida à subir, de la main du fameux médecin Boerhaave, une opération qui devait lui rendre l'usage réel de tous ses droits. Jusque-là, les sollicitations et les vœux de l'impératrice, sa tante, les prières des jeunes courtisans, compagnons de ses fréquentes bacchanales, le besoin qu'il sentait lui-même de jouir d'une volupté inconnue, la honte de ne pas être comme le reste des hommes, rien n'avait pu le décider. Lorsqu'enfin l'obstacle eut disparu, ce fut une grande fête. Mais Élisabeth voulut que la grande-duchesse se conformât à l'ancien usage des Russes et donna à son époux des preuves de la virginité qu'elle avait dû jusqu'alors lui conserver. Tout fut préparé en conséquence. Le grand-duc, fait homme, passa la nuit avec la princesse et se crut heureux. Le lendemain, il envoya à l'impératrice, à l'instigation de Soltikov, une cassette scellée qui contenait les preuves de la virginité de la grande-duchesse. Élisabeth parut être persuadée de leur authenticité. Le grand-duc subit les félicitations universelles de la cour et Soltikov reçut un magnifique diamant donné par l'impératrice pour prix des soins qu'il avait consacrés à une affaire si délicate et touchant de si près aux intérêts d'un trône et même à la majesté de l'Empire. Cette anecdote suffit à nous donner la mesure de la stupidité du prince héritier et de la corruption de sa femme. Celle-ci savait bien qu'il n'était pas homme à abuser de ses droits. Le jeu et le vin suffisaient à occuper ses nuits, et malgré l'opération de Boerhaave, il l'abandonna aux soins de son chambellan. Cependant, le chancelier Bestuchef, le politique le plus astucieux de l'Empire et le plus avide des hommes, s'étant aperçu qu'il avait le malheur de déplaire à Soltikov, résolut de le perdre afin de sauvegarder sa propre puissance. Léger, présomptueux, Soltikov se vit un instant renversé. Pierre le bannit de la cour sans que Catherine pût se douter que cette disgrâce était l'œuvre de Bestuchef. Elle le regretta, dit-on, jusqu'au moment où parut à la cour un jeune gentilhomme polonais dépourvu de fortune, mais doué d'une figure agréable et remplie d'ambition. Il avait déjà eu quelques aventures en Allemagne et en France, où il avait été emprisonné pour dette. Il venait à Saint-Pétersbourg dans l'espoir de se refaire. Ils supplèrent, mais son bonheur fut de courte durée. Inhabile à le cacher, plus étourdi et plus fat que Soltikov, Il irrita la patiente Élisabeth et reçut l'ordre de quitter la Russie. Mais grâce à la protection de Bestoutchev, Poniatowski reparut peu de temps après à Saint-Pétersbourg en qualité de ministre plénipotentiaire de la République et du roi de Pologne. C'était un trait d'audace. On feignit d'avoir tout oublié, mais on le surveilla, et bientôt ses ennemis trouvèrent l'occasion de crier de nouveau au scandale. Catherine était enceinte, et la voix publique accusait le jeune Polonais d'être le père de l'enfant qu'elle portait dans son sein. Arraché enfin à son indifférence et instruit de la conduite de sa femme, Pierre entra dans une violente colère et courut demander vengeance à l'impératrice contre le Polonais et son protecteur Bestoutchev. Élisabeth, fatiguée des désordres de Catherine, destitua Bestoutchev sous un prétexte politique et engagea le grand-duc et sa femme à se retirer dans leur château d'Oranienbaum. Effrayée de cet exil qui la livrait à la vengeance d'un mari brutal et stupide, Catherine implora une audience de l'impératrice et fut refusée. Abandonnée de tous les courtisans, elle s'adressa à l'ambassadeur de France et le pria de plaider sa cause, mais ce ministre craignit d'irriter inutilement Élisabeth. Il fallut se résigner à suivre à Oranienbaum un mari qui ne déguisait plus sa haine. Poniatowski osa pénétrer jusqu'à elle, mais un jour il fut découvert et arrêté. Il sortait du château en plein jour. Sa pensée et son bonnet de fourrure, dont les longs poils voilaient à demi son visage, devaient sauver son incognito, mais un valet de pierre, qui l'avait fait bâtonner au temps de sa puissance, l'avait reconnu. Appeler les gardes, le faire arrêter et courir avertir le grand-duc fut l'affaire d'un instant. Poniatowski n'était pas homme à se déconcerter. À la vue des gardes accourant, il se tourna vers eux, alla à leur rencontre et, s'adressant à l'officier, lui exprima le plaisir qu'il avait à le revoir. « Pourriez-vous, lui dit-il, me conduire chez son Altesse ?» Pierre ne fut pas dupe tout d'abord de cette audacieuse comédie. « Comment êtes-vous ici, monsieur ? » s'écria-t-il d'un air terrible. « Monseigneur, je suis sur le point de rentrer en Pologne, et j'ai désiré vous présenter avant de partir mes respectueux hommages. Je n'en ai que faire. N'ayant pas eu l'honneur de vous rencontrer, je me retirai. Depuis quand êtes-vous au château ? J'arrive à l'instant. Je le saurai bien. » Puis à ses gardes, « Emmenez monsieur et enfermez-le. » « Y songez-vous, monseigneur, vous oubliez mon titre d'ambassadeur de Sa Majesté le roi de Pologne ?»« Monsieur l'ambassadeur, je vous ferai pendre. » Poniatowski ne répliqua point. Il connaissait le caractère de ce malheureux prince, sa faiblesse, ses accès de fureur subis, et sa faculté non moins subite à s'apaiser et à oublier. Ajoutons que dans un état d'alcoolisme chimique, il flottait de la démence à l'abrutissement. « Il ne faut pas contrarier les fous, » se dit le Polonais, et il se laissa emmener sans protestation. Cependant, Pierre avait fait rechercher l'équipage qui avait conduit Poniatowski à Oranienbaum, et en interrogeant lui-même le cocher du traîneau et le domestique, il avait appris que le favori de Catherine était arrivé de la veille. Ils ignoraient où il avait passé la nuit. Il n'avait pas couché sur la paille d'une misérable auberge. Sa culpabilité était donc évidente. Pierre entra dans sa grande colère et se rendit chez la grande-duchesse, mais il la trouva prévenue de tout. « Je vais le faire pendre, » s'écria-t-il en entrant. « Qui ? » demanda Catherine. « Votre Polonais. »« Quel Polonais ? Que signifie cette scène ? Êtes-vous déjà ivre ? » ?»« Je dis que j'ai fait arrêter Poniatowski et je vais le faire pendre. » »« Le comte Poniatowski est ici, et vous l'avez fait arrêter. » »« Mais vous ne craignez donc pas d'achever de nous brouiller avec l'impératrice ? On n'arrête pas un ambassadeur comme un simple moujik. » Que va dire Élisabeth ? Comment ? Prince versé comme vous l'êtes dans la science du droit des gens, avez-vous commis une pareille faute ? C'est inconcevable. Je sais, madame, le respect que je dois comme prince au droit des gens, mais comme mari, je dois venger mon honneur. Et grand Dieu ! Mais je supposais que notre querelle à ce sujet était apaisée. Le comte s'est introduit hier soir au château et y a couché. Je ne pense pas qu'il y ait couché comme représentant du roi de Pologne. Eh bien, je l'ignorais. Mais en tout cas, il faut en instruire l'impératrice. Vous nous jetez dans une véritable impasse. Envoyez donc un courrier sur l'heure. Je vais écrire de mon côté. » Pierre demeura fort embarrassé. Il n'avait pas pensé à Élisabeth. Il craignait de l'irriter. « J'ai peut-être été un peu vif, » reprit-il. « Je ne suis pas un homme d'État, mais un soldat. Vous avez manqué de respect à l'impératrice. Vous avez fait ce qu'elle-même, souveraine absolue, elle n'eût osé se permettre. » Un ambassadeur comme un parlementaire a un caractère sacré. « Mais le mal est fait !» répondit le prince consterné. « Est-il irréparable ? Je le crois. »« Ne pouvez-vous faire mettre le comte en liberté ? Sans doute, mais il se plaindra à l'impératrice. Il m'a rappelé ses droits, du reste, et moi je lui répliquai avec la brusque franchise de l'homme de guerre, « Monsieur l'ambassadeur, je vous ferai pendre. » Et qu'a-t-il répliqué ? « Rien, c'est un diplomate. » « Il faudrait tourner tout cela en plaisanterie, » dit Catherine. « En plaisanterie, madame, ce serait difficile. » « Mais, et vous en riez tout le premier. Voulez-vous suivre mon conseil ?»« Volontiers, si vous pouvez nous tirer d'embarras. » « Où est le comte ?»« Dans une tour du château, dans un cachot. » « Vous voyez si c'est plaisant. » « Eh bien, vous allez envoyer votre garde au pied de la tour, puis faites ouvrir le cachot, et d'un air grave, dites au prisonnier, « Comte, il faut me suivre sur le lieu du supplice. » « Il vous suit, il est très brave. Vous l'introduisez au château et nous le retenons à déjeuner. » « Voici votre bourreau, comte, direz-vous en me présentant, et en montrant la table, voici votre supplice. »« Admirable !» se récria Pierre. Et enchanté d'être délivré de la crainte qui s'était emparée de lui, Pierre suivit le conseil de la grande duchesse, et l'aventure se termina le plus gaiement du monde. 3. Grégoire Orloff. Poniatowski dut s'éloigner, et il ne tarda point à avoir un successeur dans les affections de la grande duchesse. Un an avant la mort d'Élisabeth, c'est-à-dire en 1761, Catherine, rentrée à Saint-Pétersbourg, distingua parmi les gardes de l'impératrice un homme d'une mâle beauté et d'un cœur intrépide, Grégoire Orloff. Mais dans cette troisième intrigue, elle se conduisit avec autant de prudence qu'elle avait autrefois montré de légèreté. C'est que, prévoyant la fin prochaine de l'impératrice, elle avait entrepris de se réhabiliter dans l'opinion et de se réconcilier avec Élisabeth. Un jour, elle parut au théâtre assise à côté de la souveraine, étonnant de sa présence et de sa faveur nouvelle tous ceux qui l'avaient abandonnée dans sa disgrâce. Bientôt, elle s'entoura d'hommes aussi habiles qu'ambitieux et se constitua un parti. Et tandis que l'héritier de la couronne, partisan fanatique et déclaré du roi de Prusse, semblait s'attacher à blesser les sentiments nationaux, Catherine se ménageait adroitement la popularité. À la mort d'Élisabeth, l'armée russe, commandée par Todleben, venait de s'emparer de Berlin et de Kolberg, dernier asile de Frédéric. Pierre III s'empressa de faire évacuer le territoire prussien, et Frédéric obtint du vainqueur autant qu'il eût pu demander s'il avait été lui-même victorieux. Ce trait de sottise acheva de perdre le nouvel empereur dans l'esprit de son armée aussi bien que dans les cabinets étrangers. De sages réformes administratives, l'affranchissement des serfs qui végétaient sur les domaines du clergé, ne suffirent pas à lui mériter cette estime et cette confiance qui sont les bases de l'autorité d'un prince. Enfin, son intempérance, la grossièreté de ses goûts, éloignaient de lui le respect des gens de la cour et même des gens du peuple qui ne le voyaient que de loin. Il ne fut pas longtemps sans s'apercevoir de l'intrigue politique de Catherine et à s'en inquiéter, et lorsqu'il apprit qu'elle était enceinte pour la troisième fois, il résolut de se séparer d'elle et de la faire enfermer dans une prison d'État. Certains historiens, M. Levesque entre autres, ont affirmé que Pierre avait le projet avoué d'épouser sa maîtresse Varoutzoff et que pour accomplir ce dessein, il lui fait tomber la tête de Catherine. Cela est au moins douteux. Pierre III était emporté, mais n'était point cruel. Ce qui est certain, c'est que Catherine se sentit menacée et pressa avec une étonnante activité ses complots régicides. Elle avait fait nommer Orloff quartier-maître de l'artillerie même avant la mort d'Élisabeth. Elle disposait ainsi de la caisse de ce corps. La conspiration ourdie par ses soins, et dont elle tenait tous les fils, avait pour chef la princesse d'Ashkov, jeune femme de 18 ans, le vieux Bestouchev, l'hetman des Cosaques Razumovski, le comte Panin, et pour complices principaux les ambassadeurs des cours de Versailles, de Vienne et de Copenhague. Razumovski et Orloff proposaient de l'enlever du château de Peterchef à la suite de l'orgie par laquelle il ne devait pas manquer de célébrer la Saint-Pierre. Le lieutenant Passek, un des amis d'Orloff, s'offrait à le poignarder au milieu de sa cour et fut sur le point d'exécuter son projet malgré l'opposition d'Orloff. Aussi, Passek ayant été arrêté, les conjurés résolurent d'agir de suite. Mais laissons ici la parole à Rabe, qui a fait de ce tragique épisode le tableau le plus saisissant. Grégoire Orloff, un de ses frères et son ami Bebekov, se rendirent aux casernes pour préparer les soldats de leur partie à agir au premier signal, tandis qu'un autre frère d'Orloff, Alexis, courut à Peterchef chercher l'impératrice. À la veille du triomphe ou du supplice, cette jeune femme dormait paisiblement. Le pavillon où elle était logée était situé à l'extrémité du jardin, sur le bord du golfe de Finlande. Cet endroit s'appelait le pavillon de Montplaisir. Là, pour être encore mieux à portée de prendre la fuite, elle avait fait mettre, comme sans dessein, un canot qui servait en attendant aux visites nocturnes de ses amants. Grégoire Orloff, en donnant à son frère une clé du pavillon, lui fit connaître les secrets des tours qui pouvaient l'y mener avec plus de promptitude et de mystère, et Madame Dashkoff lui remit un billet sur lequel elle avait à la hâte tracé quelques mots. Il était 2 heures après minuit, lorsqu'Alexis Orloff, auprès du lit de l'impératrice, fut obligé de porter sa main sur elle pour interrompre son profond sommeil. Elle se réveille subitement et voit à côté de son lit un soldat qu'elle ne connaît pas. « Votre Majesté, lui dit-il, n'a pas un instant à perdre, qu'elle se prépare à me suivre. » Et aussitôt, il disparut. Catherine, étonnée, éperdue, appelle Ivanovna. Tous deux s'habillent précipitamment et se déguisent, de manière à ne pas être reconnus des sentinelles qui gardent le château. À peine sont-elles prêtes que le soldat vient les prendre pour les faire entrer dans un carrosse qui attendait à la porte du jardin. Alexis Orloff saisit les rênes et ils partent. L'épuisement des chevaux, pressé d'une course trop rapide, força l'impératrice d'achever le chemin à pied. Enfin, accablée de fatigue et d'inquiétude, mais toujours maîtresse d'elle-même et affectant un air plein de calme et de confiance, elle arriva à Saint-Pétersbourg à 7 heures du matin. Aussitôt, elle se rendit au quartier des gardes d'Ismailov, dont 3 compagnies étaient gagnées. Au bruit de l'arrivée de l'impératrice, sortant à 2 minutes de leur caserne, les soldats accourent et l'environnent avec de grands cris. Elle leur dit, d'une voix altérée, que le danger le plus pressant la forçait de venir leur demander secours, que le tsar voulait cette nuit même la faire tuer, ainsi que son fils, qu'elle n'avait pu se dérober à la mort que par la fuite et qu'elle comptait assez sur leur disposition pour se remettre entre leurs mains. Les soldats, frémissant d'indignation, lui répondirent en jurant de mourir pour elle. L'hetman Razumovski arriva dans ce moment et sa voix et l'exemple de leurs camarades ne tardèrent pas à entraîner tous les autres. Au milieu de cette multitude, tout ému de la joie d'une révolution, on fit venir l'aumônier du régiment d'Ismailov et ce prêtre, un crucifix à la main, reçut le serment des troupes. Ainsi sanctifié par la religion, il ne manquait plus à la révolte que de réussir pour être une victoire. Elle ne réussit que trop. La contagion fut rapide et pleine parmi les troupes. Le seul régiment d'artillerie résista, et malgré la présence et les sollicitations d'Orloff, attendit les ordres du général qui le commandait. C'était un Français, nommé Villebois, qui ne céda du moins qu'après beaucoup d'autres. Catherine, déjà entourée de plus de 2000 hommes de garde et d'une grande partie des habitants de Pétersbourg, qui suivaient le mouvement sans se rendre compte de leur opinion et de leurs vœux, marcha immédiatement vers l'église de Kazan, où tout était préparé pour la consécration de cette étonnante usurpation. L'archevêque de Novgorod, revêtu de ses habits sacerdotaux et environné de prêtres vénérables par leur âge, l'attendait à l'autel. Il lui mit la couronne impériale sur la tête, la proclama à haute voix souveraine de toutes les Russies sous le nom de Catherine II et déclara en même temps le jeune grand-duc Paul Petrovitch son successeur. Les seigneurs qui se trouvaient à Saint-Pétersbourg apprirent à leur réveil la conspiration et son succès tout ensemble. Ils s'empressèrent de venir rendre hommage et jurer fidélité à la souveraine. Cette princesse, après avoir parcouru les rangs des soldats, montée à cheval et vêtue de l'uniforme des gardes, alla dîner au palais qu'avait occupé l'impératrice Élisabeth. Elle y dîna devant une croisée ouverte, portant à chaque instant des saluts au peuple. Ce peuple, attendri de l'excès de tant de bonté, tombait à genoux à chaque instant et proclamait dans l'ivresse de son bonheur le nom de sa vertueuse souveraine, répétait avec enthousiasme le serment de lui être à jamais fidèle. Cependant, que faisait Pierre III? Il revenait gaiement en calèche de Rasembo à Petershof, suivi d'une jeunesse folâtre parmi des femmes charmantes qui, encore étourdies des plaisirs de la veille, projetaient bruyamment ceux du lendemain. Il était près d'arriver lorsqu'un émissaire, déguisé en paysan, lui remit un billet dans lequel il lit les funestes nouvelles de la veille. Un seul homme s'était souvenu de lui et c'était un Français. Consterné, accablé, Pierre III ne chercha point de ressources dans le zèle de quelques amis encore attachés à sa cause. Il n'accueillit aucun de leurs conseils énergiques. Plus faible que ce troupeau de femmes qui l'environnait, il se persuada que l'audacieuse Catherine pourrait consentir à n'user de sa victoire qu'à demi, et laissa partir le comte de Varoutzov, frère de sa maîtresse, qui s'offrait avec empressement pour aller négocier un raccommodement, mais qui n'était pressé dans le fond que du désir de se mettre à l'abri en faisant ses soumissions à l'impératrice. En effet, il resta auprès d'elle.